Quand tu t'isoles, mais là, je peux t'à côté. T'isoles. T'envoies quelqu'un au magasin chercher ton pain pour pas que tu te fasses écraser. Il y a toujours quelque chose pareil. Il y a toujours quelque chose pareil, même si tu veux t'isoler. Il y a toujours quelque chose pareil. Ah, tu fais attention. Tu fais bien attention. Tu fais attention de plus en plus. Tu deviens névrosé, complètement. Moi, je suis totalement névrosé. Extrêmement vigilant. Complètement vigilant. Ouais. Mais c'est de la souffrance qui nous amène à la vigilance. Comment est-ce qu'on voudrait être vigilant, ils vont vous poigner pareil. C'est une vibration, la vigilance. Tu fais attention à maudit. C'est ça que je dis, éventuellement, tu mets de l'ordre dans ta vie. Tu as tellement d'ordre dans ta vie que tu peux plus souffrir. Dans le fond, la souffrance de l'homme, c'est le fait qu'il n'y a pas d'ordre dans sa vie. S'il y avait de l'ordre dans sa vie, il ne souffrira pas. Mais tu sais, c'est fatigant. Ah, ben, tiens-toi pas. C'est toi qui as cherché la conscience. Tu l'as. À comment? Hey, des fois, dans les soupers, tu vois le volant. Ouais. Ah, c'est ça. C'est juste. C'est vrai? Non, ouais. Ouais. Il est pas capable? Il va souffler un peu. Non? Ouais. Des jobs comme on fait, d'abord, amener au propriétaire. Non, quand ça sera le temps? On sait. En faites-les. Bien. Ben, on est bien. Quand vous serez pas assez. Quand ça sera trop tough, puis vous serez pas assez bien. Vous sacrez les oeufs. Quand t'es pas attaché à la forme, t'as sacré. Quelqu'un qui fait le saut pour arriver, à un moment donné, tu fasses quelque chose, puis tu fais des jumps, c'est-tu l'ajustement des corps? Ça nervosité, ça. Quelqu'un qui était pas comme ça, puis qu'à un moment donné, le moindre bruit, il fait un jump, ou bien il se met à crier, ou bien. C'est parce que le système nerveux devient un petit peu plus réactif. Oui, parce que c'est. La... Éventuellement, oui. Oui. Ouais. Mais c'est normal que le système nerveux se développe parce que l'énergisation de l'homme des sangs, ça nous rend comme des cordes de raide. On devient des violons. Si ça s'amplifie, à un moment donné, tu t'attaches chez nous, tu sors plus parce que. Ben, t'es bien, chef. On est moins chez nous. Mais qui vient de porter ton pain à ce moment-là? C'est une grosse épicerie. C'est une grosse épicerie. Tu viens de congélateur, t'as congé là-dedans. Ouais, mais t'as-tu de l'argent pour acheter? Quand t'es intelligent, t'as la volonté, t'as trop d'argent. Quand t'es stupide puis spirituel, tu n'as pas de maudit sang. Tu fais ton bain aussi. Quand t'as de la volonté et de l'intelligence, t'as tout ce que t'as besoin pour vivre. Tu deviens créatif, tu fonctionnes. Pourquoi que tu développes des talents? Tu es capable de faire tomber la pluie, tu es capable de faire tomber. On est bourré de talents. On est bourré de talents, mais on ne réalise pas pour faire la pause. Un gars qui est ingénieur depuis des années de temps, qui est bloqué d'une carrière, il pense pas qu'il y a d'autres talents, mais il y en a d'autres talents, puis peut-être comme plombier. C'est ça, on fait. Il faut pas qu'il y ait d'égo. La conscience, c'est pas le fun. Non, non. Certain. Tant qu'on est conscient. Tant qu'on n'est pas conscient. Quand on est conscient, là, ça commence à être le fun parce que tu te fais plus taper les pieds. Non, mais t'es bien. Quand t'es dans tes deux. Ah, c'est ça, je te dis. Je suis pas pour te passer à la mienne. Mais c'est réellement effrayant comment est-ce qu'on s'est fait jouer. Ah! C'est un épouvantail. Puis on se compte des salades, tu sais. On se fait rire de nous autres, C'est effrayant. C'est pour ça qu'éventuellement, t'as pas le choix que de devenir en maudit. Ça, c'est nouveau pour les gens. T'sais. Le concept de l'idée de venir en maudit, c'est nouveau pour eux autres. T'sais. Parce qu'on est là. On est supposé être tous des petits minous, des petits toutous. T'es spirituel, t'es pas supposé être venu en maudit. T'sais. L'éducation, ouais. L'éducation, ouais. On n'est pas habitué à ça. Puis les grands-mères, ils nous disent pas ça dans les livres que tu te rebelles contre la lumière. Hey, écoute, les livres se vendent à la poêle. Les gens pensent à tous à magie noire. T'es supposé être tolérant. On se faisait la stratégie de mourir. Pas ça, pas